Les circuits que vous voyez là de la marque Bear Conductive ont permis de rendre notre table interactive. En les reliant aux objets qui y sont posés, c'est leurs histoires qui peuvent vous être révélées.